suivant l'étoile, je reviendrai d'où je suis parti. Vous, mes amis, mes frères, vous, ma campagne, vous, mon pays. Tout en suivant l'étoile, l'étoile bleue qui ne brillait plus. Ce qui m'arrive aujourd'hui, je compte les jours que me rapproche du pays que j'ai quitté, du soleil qui me réchauffait, et je voudrais pouvoir encore marcher là où mon enfance courait. Tout en suivant l'étoile.